La peur, par Paul Brulat. Jean Réville avait une réputation parisienne de bravoure et de témérité qui se fondait sur de nombreux coups d'audace, 10 duels retentissants, une exploration chez les Touaregs et je ne sais combien de paris insensés. Il semblait que le danger l'attira et qu'il prit plaisir à risquer sa vie, à toute occasion, sans nécessité, par dilettantisme. Aussi fûmes-nous étonnés lorsqu'il nous avoua qu'une fois il avait été lâche, lâche au point de trembler, toute une nuit, en face d'un péril imaginaire. « Allons donc !» s'exclama l'un de nous, avec une nuance d'ironie. « Oui, une peur atroce » affirma-t-il, « et telle que j'en frissonne encore quand j'y pense. C'est une chose qui ne se raisonne pas. On peut être brave un jour, lâche le lendemain, dans les mêmes circonstances. Question de nerfs, d'imagination et surtout de galerie. Car que ne fait-on pas pour la galerie ? Il y a aussi cette sorte de courage qui ressemble fort à la fuite en avant. Enfin, j'ai eu très peur cette nuit-là. Raconte-nous ça. Volontiers. D'autant plus que mon histoire comporte, si j'ose dire, un petit enseignement. Il y a environ un an de cela. C'était en plein mois d'août. Ah, j'en avais assez de Paris, de mon existence folle, de cette trépidation continuelle qui détraque les nerfs. Finit par ébranler le cerveau d'un vertige. Alors, où aller ? Dans les montagnes, respirer le grand air, jouir de la solitude et du silence. Imaginez-vous un château désert dans les Alpes, un château qu'on n'habitait plus depuis longtemps et dont toute une partie tombait en ruine. Le gardien de cet immeuble avait bien voulu, cependant, m'y louer une chambre. J'habitais donc là, quelques semaines, subissant l'ennui avec résignation comme une cure. Car il faut savoir s'ennuyer, n'est-ce pas ? De temps en temps, c'est nécessaire aux agités comme nous, qui brûlons l'existence, cela calme et repose. Ma seule distraction, bien innocente, consistait à aller causer le soir avec un vieux solitaire, qui logeait à 3 kilomètres de là, à l'autre bout d'une forêt, une forêt touffue, presque vierge, peuplée de buissons d'herbes sauvages et d'arbres énormes. Cet homme avait toujours quelque histoire extraordinaire, étrange, effrayante à me conter. Il contait d'ailleurs avec art. Une fois même, il fut si intéressant que, sans m'en apercevoir, je m'attardais à l'écouter jusqu'à minuit. « Déjà minuit ? » fis-je en entendant sonner les 12 coups. « Adieu, je me sauve. »« Vous voulez rester chez nous ? Dans votre château ? Naturellement, à 7 heures ? Pourquoi pas ? Ce n'est peut-être pas très prudent, dit-il. Qu'ai-je donc à craindre ? D'abord, de vous égarer dans la forêt. Oh, je connais trop bien mon chemin. Puis, on ne sait jamais, ajouta-t-il. Moi-même ici, je ne serais pas toujours très rassuré si je n'avais de bons chiens de garde. Nous sommes loin de Paris, répondis-je en riant. Les apaches et les cambrioleurs n'ont pas l'idée de venir jusqu'ici. Mais regardez donc cette nuit, on dirait de l'encre. Le ciel est très couvert, je crois qu'il va pleuvoir. Au moins, êtes-vous armé ? Non. En effet, je n'avais rien, pas même une canne. Mais auprès de cet homme, dont l'esprit se peuplait de terreurs enfantines, comme d'ailleurs auprès de tout le monde, je mettais mon amour-propre à soutenir ma réputation d'intrépidité. C'était une attitude, bête comme la plupart des attitudes, qui nous colle un masque au visage. Je jouais au Cyrano et entre nous, je n'en avais pas le tempérament, du bluff quoi. Je refusais donc énergiquement par forfanterie l'hospitalité qu'il m'offrait pour cette nuit-là et m'engageais à pas rapide dans la forêt en suivant, comme d'habitude, le sentier qui me ramenait à mon château. Je ne sais pourquoi, je me sentais tout autre. Malgré moi, mon imagination s'arrêtait à une histoire fantastique, à la manière d'Edgar Poe, que m'avait conté tout à l'heure mon solitaire. Une histoire où il y avait un crime, du sang, des apparitions mystérieuses. Je m'en remémorais les moindres détails, et ce récit, qui m'avait paru absurde, me troublait maintenant d'une émotion extraordinaire. J'observais cependant, à ma grande surprise, que mon chemin, ce même chemin que je suivais chaque soir, et qui conduisait directement, en droite ligne, à ma demeure, se rétrécissait de plus en plus, devenait impraticable, encombré d'une végétation prodigieuse. Où étais-je ? Il me semblait que je marchais depuis longtemps et que je devais être tout près d'arriver. Je continuais à avancer, en me déchirant les mains aux broussailles qui me barraient la route. Brusquement, un éclair stria la nuit, suivi d'un grondement de tonnerre, sourd et lointain encore. De larges gouttes commençaient à tomber. Je me hâtai pour devancer l'orage. Il éclata avec fureur au moment où je pénétrais dans l'endroit le plus touffu de la forêt. Les ténèbres étaient si denses qu'il m'était impossible de rien distinguer devant moi. Déjà trempé par l'averse et baigné de sueur, je gravissais la montagne, haletant, hors d'haleine, ébloui parfois par un éclair qui déchirait l'obscurité sans la dissiper. Autour de moi, c'était des bruits sinistres, des branches qui craquaient, des souffles mystérieux comme des soupirs humains et des gémissements, toute la vie ardente et souffrante de la forêt battue par l'orage. Un grand vent y engouffrait sa plainte éperdue, pareille à une longue lamentation venue de loin, des espaces infinis. Alors, une terreur affreuse, invincible, m'étreignit. Je m'arrêtai, tremblant, croyant entendre des pas derrière moi qui me poursuivaient, se rapprochaient, allaient m'atteindre. Le croiriez-vous ? C'était mon cœur, mon pauvre cœur de héros, qui trépidait avec cette violence. Je me remis en marche, mais cette peur stupide augmentait. Mes dents claquaient, des frissons me couraient sur la chair, une transpiration froide dégouttait de mon front. Chaque éclair, chaque coup de tonnerre, un souffle tiède m'effleurant la nuque, une tige me frappant au visage, me glaçait d'épouvante. De courtes accalmies, des silences vivants pleins d'angoisse s'abattaient tout à coup, comme pour permettre à la tempête de reprendre haleine. Elle s'élançait de nouveau avec plus de rage, mugissante et rugissante, exaspérée, tordant les arbres, cassant les branches, balayant tout. Plusieurs fois, le sol manqua sous mes pieds. Je tombai dans des trous et me relevais, éperdu, désorienté, couvert de boue. Depuis combien de temps montais-je ce calvaire ? Il devait y avoir des heures. Un moment, harassé de fatigue, je fus tenté de m'asseoir là, sous la pluie diluvienne, et d'attendre le jour parmi ces rumeurs effroyables de la forêt. Presque soudain, l'orage se tut, le vent chassa les nuages, la pleine lune apparut, énorme et blanche au-dessus de ma tête, et j'aperçus le château tout près, à 100 mètres à peine. Je m'y précipitai, mais l'épouvante ne m'avait pas quitté. Je continuai à trembler comme une feuille, et réfugié dans ma chambre, je m'enfermai à double tour de clé. Je poussai même un gros meuble devant la porte. Je me barricadai enfin, comme pour soutenir un siège contre une armée de fantômes. J'attendis ainsi qu'il fît grand jour, et dès le premier train, je repartis pour Paris. Hein ? Que pensez-vous de ça ? Conclut Jean Réville en secouant sa chevelure avec un air de fierté qui acheva de nous surprendre. Me voilà, je l'espère, réhabilité à vos yeux, car pour vous autres, penseurs et intellectuels, je n'étais qu'un héros. Autant dire une brute, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que vous aviez raison. Depuis ce temps-là, en effet, il me semble que je suis un autre homme, que mon intelligence est ouverte, et que je comprends mieux toute chose. Parfaitement. Je ne bluffe plus devant vous. Je crois que plus un homme est cultivé, plus il a peur, et que le courage physique est plutôt un signe d'infériorité, indiquant une nature grossière, dénuée d'imagination et de sensibilité. Le malheur, ajouta-t-il en riant, c'est que quoi qu'on fasse, on garde sa réputation. Je continuerai donc à passer pour un héros, bien qu'ayant toute la lâcheté que comporte, si j'ose dire, mon degré de civilisation. C'était La peur, par Paul Brulat.